La consultation publique pour le projet de plan d'action national sur le loup et les activités d'élevage pour la période 2018-2023 s'est achevée lundi au terme d'un an de négociations. Cette consultation s'est déroulée en l'absence de tous les syndicats agricoles, malgré une volonté de dialogue du gouvernement, ce qui montre bien la difficulté d'avoir un discours rationnel et de ménager les différentes parties lorsqu'il est question du loup en France. Contrairement à d'autres pays comme l'Italie, où la présence du loup fait beaucoup moins débat, pourquoi la présence et le maintien du loup est-elle à ce point un casse-tête ? En avons-nous toujours peur ? Un ennemi pour la vie, c'est le problème que nous allons tâcher de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce problème non pas épineux mais dentu, cette peur ancestrale qui nous habite tous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Jouventin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS en éthologie, auteur entre autres de Kamala, une louve dans ma famille chez Flammarion. Vous nous parlerez forcément un peu de cette expérience qui a été la vôtre. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Normandie à Caen avec Jean-Marc Morisseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Caen, président de l'association d'histoire des sociétés rurales. Vous avez, entre autres, dans votre vaste bibliographie, écrit récemment, ou une édition de poche en tout cas, « L'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans », c'est chez Fayard ou chez Pluriel pour l'édition de poche. Vous pouvez suivre cette émission, eh bien comme chaque jour, sur nos ondes, sur les ondes de France Culture, et en parallèle sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors avec ce nouveau plan, le gouvernement se fixe un double objectif. Le premier, c'est évidemment d'assurer la viabilité qui, pour l'instant, était incertaine de l'espèce sur notre territoire. Ça, c'est un objectif qui est non négociable. Le nombre actuel des 360 loups, bientôt sans doute 400 d'après les dernières données, est encore insuffisant. Et nous visons au moins 500 loups avant la fin du quinquennat. Des actions pour une meilleure connaissance de l'espèce et plus encore de son comportement dans l'environnement sont proposées, ainsi que de nombreuses expérimentations, toujours en lien avec des équipes de chercheurs. Alors afin d'assurer la préservation durable de l'espèce, nous proposons que le seuil, malheureusement incontournable en l'état, de prélèvement annuel s'appuie dorénavant sur des données strictes scientifiques. Ces derniers, les scientifiques, préconisent qu'il ne soit jamais supérieur, ce seuil, entre 10 et 12% de l'effectif total de la population. En clair, ça signifie limiter les prélèvements des loups à 40 individus en 2018, qui, je le rappelle, c'est pas idéal, je l'entends, mais c'est un chiffre stable alors que la population, elle, croît de 10%. Le deuxième objectif, c'est la protection des éleveurs et des troupeaux. Et on souhaite donc faire de l'accompagnement des éleveurs et du renforcement des mesures de protection des troupeaux désormais une priorité absolue. Celle-ci, elle doit devenir un préalable à toute intervention sur la population de loups. Ça, c'est la priorité. L'obligation de se protéger, elle doit être mise en place avec les éleveurs qui souhaitent continuer à bénéficier du système d'indemnisation en cas de dommage. Dans le plan, ce nouveau plan figure également de nombreuses actions de soutien au pastoralisme et à l'élevage. Et même si la protection est efficace dans la majorité des cas, force est de constater, et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, il arrive que ces mesures de protection échouent et qu'elles ne suffisent pas. Dans ce cas, l'accès à la légitime défense pour l'éleveur dont le troupeau est tout de même attaqué doit être facilité. Voilà, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, sur les résultats, les conclusions de cette consultation publique pour le projet de plan d'action national sur le loup et ses activités d'élevage. C'était lundi dernier. Une réaction, l'un et l'autre, beaucoup de choses dans ce que vient de déclarer le ministre. Jean-Marc Morisseau, une réaction à cette déclaration du ministre et plus généralement aux conclusions de cette consultation nationale. Alors, il y a une évolution dans le bon sens, qui est le sens d'un compromis raisonnable et imparfait, évidemment. Il y a 5 à 10 ans, on n'en était pas là. On cherchait d'abord à protéger la recolonisation de l'espèce. Maintenant, on essaye aussi de tenir compte résolument de la question des éleveurs et des bergers. À mon avis, malgré tout, on est encore loin du compte. Parce que l'impact que le loup fait peser sur le pastoralisme, sur la vie des bergers, sur les troupeaux, ne se chiffre pas uniquement en perte comptable d'animaux. Mais il correspond également à des modes de vie, à des modes d'occupation de l'espace, à des réalités humaines, à des inquiétudes, à des conditions finalement de profession. Et donc là, il y a des choix quand même importants. Étant optimiste, je pense que on est passé d'un point de vue idéologique à un point de vue déjà ouvert sur les deux parties. Mais je pense que, effectivement, vouloir assurer une présence des loups d'au moins de 500 loups dans le territoire français, c'est un objectif qui ne me paraît pas entièrement réaliste avec le deuxième objectif qui est évidemment la protection des troupeaux et un peu quand même de la condition des hommes et en particulier des bergers et des éleveurs. Alors Yvon, on va préciser hein, que le dernier décompte s'établit autour de 360-400 individus en France, que le seuil de 500 individus a été déterminé parce que ce serait le seuil de pérennisation de la population de loups sur le sol français. On peut préciser tout de même, Pierre Jouventin, que cette consultation nationale s'est tenue strictement en l'absence des syndicats agricoles parce que ils ne voulaient pas participer, ils pensaient qu'on n'entendrait pas suffisamment leur point de vue. Pourquoi est-ce que c'est toujours compliqué à ce point en France de parler rationnellement de la présence du loup? C'est pareil, on n'a pas entendu non plus les protecteurs du loup. Hein. Donc en réalité, c'est une guerre du loup. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'arrive pas à trouver un moyen de cohabiter, c'est-à-dire alors que ça se fait très bien en Italie ou en Espagne ou ailleurs, mais par contre en France, sans doute du fait qu'il ait été absent depuis un siècle quasiment, eh bien ça fait qu'on n'arrive pas. On a plus la culture et on s'en passait très bien. Enfin, on s'en passait très bien. En tout cas, les éleveurs s'en passaient très bien et ça remet en question beaucoup de choses. Et de toute manière, il ne faut pas s'imaginer que l'affaire du loup peut se régler très simplement parce que c'est toujours très difficile la cohabitation avec le loup. Et les éleveurs, ils ont des problèmes économiques actuellement. Évidemment, ils n'ont pas besoin du loup. On va essayer de comprendre pourquoi ce problème existe en France. Vous disiez, Pierre Jouventin, la disparition du loup. Officiellement, elle remonte aux années 70, pas tout à fait un siècle. Oui. Donc, une quarantaine d'années encore. Jean-Marc Morisseau, sur cette difficulté culturelle en France, Pierre Jouventin le soulignait, en Italie, en Espagne, ça crée pas de drame national à ce point-là. Surtout pas, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Là, c'est en quelque sorte une sorte de doxa que l'on répand abondamment dans l'Hexagone pour laisser entendre que le problème du loup est un problème uniquement franco-français. C'est entièrement faux. Le loup pose également des difficultés qui sont résolues différemment dans les autres pays européens. Quant à l'Italie, puisqu'on prend toujours l'Italie en exemple, parce que c'est de l'Italie, de l'Apennin, effectivement, que le loup est revenu, la situation est tout aussi compliquée et difficile pour les éleveurs dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, où là, l'hostilité à l'égard du loup est tout à fait comparable à celle que l'on connaît en France. Quant à l'Espagne, parce qu'on prend souvent l'Espagne également. Qui a la plus grosse population de loups en Europe aujourd'hui. Oui. Mais l'Espagne a eu la prudence, quand elle a signé la Convention de Berne, de le faire avec un système de dérogation que n'a pas fait la France. C'est-à-dire que l'Espagne a considéré qu'au nord du Duero, le loup, qui était encore important avec des troupeaux de moutons, était chassable et qui n'était protégé qu'au sud du Duero. En conséquence, il y a des plans de chasse, il y a des plans de gestion sur le loup en Espagne, mais essentiellement en Léon et en Castille. C'était vraiment les grandes provinces qui connaissaient le loup depuis 40 à 50 ans. Et le loup, quand il exerce une pression jugée intolérable, il est strictement abattu. En revanche, ce qui se passe, c'est que la Catalogne, elle, connaît le loup avec le retour du loup venu d'Italie et de France. Et là, ce n'était pas prévu par l'Espagne, quand elle a signé la Convention de Berne, la Catalogne se trouve dans la même situation que la France. Quant à d'autres régions de l'Europe, je pense à la Roumanie, il y a également, notamment, évidemment, des abattages clandestins qui existent, et puis le pastoralisme n'est pas également le même. Donc surtout, ne propagez pas la légende que tout se passe bien ailleurs et que ce n'est qu'en France que les choses se passent mal, c'est complètement faux. Tout au moins, il faut beaucoup nuancer ce type de propos. Et on vient d'entendre vos nuances, Jean-Marc Morisseau. Votre point de vue, Pierre Jouventin, effectivement, c'est une idée reçue sur laquelle il n'y a qu'en France que le loup pose un problème ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en réalité, en France, c'est impossible d'obtenir la cohabitation, alors que c'est possible ailleurs. Je ne dis pas que ça se fait sans problème. C'est connu qu'en Italie, il y a parfois du braconnage et que l'État ferme les yeux, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une tradition culturelle de protection des loups qui fait que les bergers et les éleveurs savent s'en protéger. En Espagne, c'est un peu différent parce que chaque région a sa politique particulière. Le loup, soit peut être éradiqué, c'est-à-dire tiré à toute époque, ou alors il peut être protégé, ou alors on peut payer pour tuer des loups, ou alors on peut payer pour faire du tourisme lupin, si je puis dire, c'est-à-dire pour observer les loups. Donc il y a différents cas de figure. Il en reste pas moins qu'en France, ce qui est original, c'est que ça paraît impossible. Alors il faut peut-être donner quelques chiffres hein, pour permettre aux auditeurs de prendre conscience du poids que peut faire peser le loup et les loups sauvages sur les éleveurs et sur les élevages, notamment ovins en montagne, sur le pastoralisme. On parle d'environ 10 000 animaux tués par an. Je ne sais pas si vous vous accordez l'un à l'autre, ce sont les chiffres officiels. 10 000 bêtes d'élevage tuées par an pour une population donc de moins de 400 loups. Ça fait tout de même effectivement un prélèvement important. Néanmoins, à l'aune des animaux élevés en montagne, on parle de 400 000 bêtes, 10 000. Bon, comment voir justement non seulement ce taux d'animaux tués par les loups et surtout compte tenu des compensations apportées par l'État qui, selon les éleveurs, ne sont largement pas suffisantes, Jean-Marc Morisseau. Oui, alors d'abord, faut faire attention avec les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. C'est pour ça que je vous pose la question. Il faut les mettre en contexte, hein, et il faut les cartographier et puis faire des statistiques comparatives. Hein. Il faut bien voir que ces 10 000 victimes animales se concentrent à 97% sur les ovins caprins, on est bien d'accord. On n'exclut pas totalement quand même les génisses et les vaches, qui d'ailleurs surprend un peu l'opinion publique, mais c'est lié quand même au comportement du loup, qui est un prédateur opportuniste, voire de quelques juments et poulains, puisque le loup peut s'attaquer à d'autres espèces animales. On y reviendra dans l'histoire tout à l'heure certainement. Tout à fait. L'essentiel, c'est effectivement le secteur ovin-caprin. Simplement, le problème de la prédation du loup, c'est qu'il ne se disperse pas également sur tout le territoire, mais il se concentre dans certaines zones particulières, et puis, en particulier, sur certaines exploitations où il revient. Parce qu'il y a, en quelque sorte, une sorte d'accoutumance hein, de certains comportements de meute qui font qu'il y a un certain nombre de communes davantage touchées que d'autres. Il n'y a pas égalité du risque devant l'animal. Et ça, c'est très important. Parce que l'impact que le loup fait peser sur certains éleveurs et certaines exploitations est terrible. Alors que sur d'autres, il est supportable. Il faut bien avoir cela à l'esprit. Quant à rapporter 10 000 victimes à 500 loups ou 400, je pense qu'il faut faire attention. Il s'agit de 350 à 360 loups qui sont comptabilisés à certains moments de l'année. Il faut voir s'il y a les adultes dedans. Et en tout cas, le régime alimentaire des meutes n'est pas exactement le même selon les régions. Il y a effectivement des meutes, on le sait, du côté du Mercantour en particulier, qui attribue davantage de place aux animaux d'élevage que d'autres. Hein. Encore une fois, il y a inégalité. Pierre Jouventin, sur cette question, parce que s'il est évidemment incontestable de dire que les loups sauvages et les meutes de loups font peser une forte pression sur un certain nombre d'élevages, pas seulement sur les bêtes, il faut rappeler tout de même hein, qu'il n'y a pas eu d'attaque d'hommes par le loup depuis ces dernières années, que ça remonte à une histoire passée sur laquelle on reviendra, mais néanmoins, enfin, on peut imaginer évidemment des bergers la nuit dans la montagne en train de des loups pas loin. Bon, ça doit quand même être effectivement en termes de stress assez désagréable et compliquer nettement le pastoralisme et la pratique du pastoralisme. Comment remédier à cela? Comment arriver à une forme de cohabitation? Est-ce que cette cohabitation est possible ou est-ce qu'il faut, trouver d'autres formes de solutions pour pouvoir permettre la survie du loup sauvage ou est-ce qu'il faut au contraire ne pas considérer que cette survie est importante et qu'il faut privilégier plutôt la pratique de l'élevage au retour du loup sauvage. Oui, d'abord, il ne faut pas oublier que les problèmes sur l'élevage ovin datent bien avant l'arrivée du loup. Donc, en réalité, est-ce que le loup n'est pas un bouc émissaire? C'est-à-dire qu'actuellement, avant il n'y avait pas de responsable, ou du moins c'était des chiens errants. Puis d'un seul coup, les attaques de chiens errants ont cessé, comme par hasard, parce qu'elles ne sont pas remboursées, alors que les attaques par loups ont été augmentées énormément. Donc il y a tout un arrière-plan quand même qui fait d'ailleurs que, par exemple, il y a 25 millions d'euros qui sont donnés chaque année par la France pour essayer de compenser. Tout cet argent ne va pas aux éleveurs, mais il n'en reste pas moins que ça aide fortement les éleveurs de moyenne montagne. On peut préciser que le doute est toujours à l'avantage de l'éleveur. Hein. C'est-à-dire que si on ne peut pas prouver l'animal a été attaqué par un loup, qu'il a été attaqué par un chien errant, ce qui est un cas de situation qui se présente également, bien s'il y a un doute, on considère que c'est un loup par défaut. Voilà. En réalité, l'administration, pour éviter les ennuis, essaie de pousser dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle demande aux techniciens qui contrôlent beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire quand ils ne sont pas très, très sûrs, il vaut mieux dire que c'est un loup plutôt que c'est un chien. Mais il en reste d'autant plus qu'il y a eu quand même quelques techniciens de l'ONC, qui sont allés à l'hôpital parce que l'éleveur n'était pas content parce qu'il n'avait pas obtenu, entre guillemets, sa subvention. Ça, ce sont des cas particuliers sur lesquels on ne peut pas généraliser, Pierre Jouventin, mais enfin... Oui, mais enfin, quand même, ça veut dire qu'il y a une pression. Bien sûr. Et en tout cas, le ministre a été obligé, alors qu'on sait très bien que c'est un spécialiste de la nature sauvage, il a été obligé de reprendre les mesures de Ségolène Royal qui, elle, était ouvertement anti-loup, c'est-à-dire le quota de 40 loups abattus par an. De 10 à 12% pour empêcher justement que la population de loups ne cesse de croître et qu'elle continue à arriver à ce fameux seuil de 500 individus où elle se renouvelerait, où elle se stabiliserait naturellement. Jean-Marc Morisseau, vous vouliez réagir? Oui. Parce que je pense que confortablement assis derrière nos micros, à Paris ou à Caen, on peut évidemment raisonner très tranquillement sur le loup. J'aimerais pas être à la place régulièrement de certains bergers et de certains éleveurs. J'ai pas dit occasionnellement, j'ai dit à l'année, évidemment, dans les zones à loups. Car c'est très facile de donner des leçons, c'est très facile d'avoir des idées sur la protection du loup. C'est très facile de dire que les éleveurs et les bergers profitent des subventions, en quelque sorte. En fait, la réalité sur le terrain est souvent moins simple et beaucoup plus cruelle, parce que les indemnités sont loin de compenser le stress et les pertes indirectes que l'élevage subit. Elles sont loin de compenser également le gâchis, en quelque sorte, qui est infligé par l'animal sauvage au métier d'éleveur, qui, évidemment, n'est pas préparé à voir ses bêtes étripées comme elles le sont. Et d'autre part... Attention à cette idée du chien errant et du loup bouc émissaire qui revient très généralement pour en quelque sorte aseptiser le débat, pour minimiser les prédations, pour en quelque sorte nier, en partie en tout cas, le drame que connaissent des milliers de bergers et d'éleveurs. Je pense qu'il faut raison garder. Les chiens errants, il y en a de moins en moins, tout simplement parce qu'ils finissent dans la gueule des loups en général. Les loups n'aiment pas tellement avoir des chiens dans leur zone de prédation. Et il y a eu des études qui ont été faites sur le nombre d'attaques de chiens errants il y a 20 ans, il y a 30 ans et aujourd'hui. Et on s'est observé, on a remarqué que ces attaques ont décru au fur et à mesure de l'arrivée des loups. C'est tout à fait naturel. Hein. Et d'autre part, il y a 3 à 4 fois plus d'attaques sur le bétail avec les loups qu'il y en avait avec les chiens errants et avec des conséquences beaucoup plus dommageables. Donc je serais beaucoup plus prudent que d'asséner des leçons aux éleveurs et aux bergers en considérant qu'ils profitent du système. Ce ne sont pas des éleveurs capitalistes, hein, avec un élevage extrêmement intensif. C'est des élevages très extensifs qui occupent les montagnes et qui cherchent à développer un pastoralisme dans les Alpes en particulier, qui est frappé de plein fouet. Hein, il faut bien que nos auditeurs voient qu'on n'est pas dans l'élevage à 1000 vaches, par exemple, et dans ces superstructures intensives que l'agriculture peut connaître ailleurs. Bien sûr, et vous faites bien d'apporter ces précisions, Jean-Marc Morisseau. Personne ici ne prétend donner de leçons à quiconque. Hein. Nous sommes précisément là, autour de cette table, pour essayer d'examiner dans la finesse et dans la complexité cette question du loup et de la réintroduction du loup, avec une question qui reste la question centrale que nous essayons de nous poser. Et puis nous allons essayer de voir ça à travers aussi un prisme éthologique et à travers un prisme historique. Pourquoi l'homme et le loup ont-ils tant de mal à cohabiter l'un avec l'autre? Je vais une dernière question autour de cette consultation et de ce lien avec l'agriculture, et puis on passera à la partie plus historique et plus éthologique. Après, on parle souvent, vous venez de l'évoquer, hein, Jean-Marc Morisseau, de certaines solutions qui seraient a priori simples, et encore une fois, je vais vous demander de préciser, de donner votre avis à l'un et à l'autre sur cette question-là, pour permettre de mieux cohabiter, de mieux partager ces écosystèmes et ces espaces naturels. On parle notamment de la réduction de la taille des troupeaux. On parle de la réintroduction plus courante du chien de berger dont on a perdu l'habitude ou l'usage parce que précisément il n'y avait plus de prédateurs. On parle de rentrer les animaux la nuit. Ces solutions sont-elles compliquées à mettre en œuvre? Oui ou non? Pourquoi? Et pourquoi ne le fait-on pas si elles pourraient permettre effectivement de mieux cohabiter dans ces espaces et dans ces pâturages de montagne. Pierre Jouventin, pour commencer. Oui, d'abord, je voudrais reprendre un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que les bergers... Enfin, il faudrait d'abord ne pas mélanger berger et éleveur. Pas plus qu'on on mélange ouvrier et patron. En réalité, un éleveur, c'est autre chose qu'un berger. Souvent, les bergers sont pro-loup, alors que j'ai jamais vu un éleveur pro-loup. C'est normal parce que lui, il doit boucler son budget et il doit équilibrer. Donc, il ne s'agit pas de se moquer de ces gens-là qui ont des problèmes économiques comme tout le monde. Le problème, c'est que quand une usine ferme, quand une entreprise doit fermer, comme c'est le cas actuellement partout, on ne peut pas invoquer le loup. Alors que là, c'est nouveau cette situation et c'est un moyen de pression qui n'est pas attribué à d'autres secteurs de l'économie. D'autre part, pardon. Et alors très bien, ça c'est entendu sur ces mesures qui permettraient justement de mieux concilier pastoralisme, élevage et de montagne et présence d'un loup sauvage avec peut-être moins de pertes et plus de mesures de sécurisation des troupeaux. C'est en cours, c'est-à-dire qu'actuellement les éleveurs et les bergers qui avaient perdu la culture du loup sont en train de la réapprendre. Par exemple, les montagnes et les Pyrénées, là, les patous qui étaient des races qui avaient été créées spécialement pour se défendre contre les loups, les grands prédateurs loups et ours. Les bergers des Pyrénées, ces grands chiens blancs voilà, à poils longs, Belle et Sébastien pour voilà, ceux qui connaissent. Voilà, très bien. Eh bien, ces animaux, d'abord, on ne savait pas les élever, c'est-à-dire les premiers qui ont été amenés dans les Alpes, on les élevait à la maison alors qu'il faut les mettre dans le troupeau pour qu'ils protègent le troupeau. Et d'autre part, depuis quelques dizaines d'années où les loups n'étaient plus là, il n'y avait plus de sélection dans ce sens. Donc actuellement, beaucoup de bergers préfèrent s'adresser à des races spécialisées qui ont gardé cette sélection, comme les chiens de protection italiens ou ceux d'Europe centrale ou ceux de Turquie, donc qui ont gardé la sélection, c'est-à-dire la défense contre le loup. Actuellement, la culture du loup. On a parfois des chiens, des patous, qui sont très sympathiques, mais on n'est pas dans Belle et Sébastien, il s'agit de se défendre contre des loups. Jean-Marc Morisseau, sur ces quelques mesures qui permettraient une meilleure peut-être cohabitation, un meilleur partage de ces écosystèmes montagnards. Alors, cohabitation, c'est un terme en quelque sorte à la mode. Je ne sais pas si c'est pas idéaliste. Parlons de coexistence. Coexistence, si vous préférez. C'est déjà différent. Ensuite, les problèmes que les bergers ont connus, certains en tant qu'éleveurs d'ailleurs, sont des problèmes économiques. C'est tout à fait vrai. Mais ce qui est vrai également, c'est des problèmes psychologiques et des problèmes humains aussi. Hein. Ça se résout pas à l'économie quand certains bergers qui se sont installés ont vu à 3 ou 4 reprises leurs bêtes dévorées et tripées par des loups devant eux sans pouvoir quasiment rien faire. C'était pas uniquement des questions économiques qui les préoccupaient. Et ils en ont porté vraiment témoignage. Alors évidemment, on a voulu leur donner la culture du loup. Ça, on est très doué pour donner aux autres la culture que l'on n'a pas. Et ça fait 20 ans, 25 ans que ça dure. Et effectivement, il y a des patous depuis 20 ans ou 25 ans. Alors, loin de moi de dire que tous les élevages sont bien gardés, que tout le monde applique parfaitement cette culture du loup qu'on veut donner, mais beaucoup l'ont fait, en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est que effectivement, l'arrivée de ces patous, qui n'était pas simple, l'arrivée des mesures de protection, a réduit, il faut le reconnaître, les prédations, sans les annuler, et quelquefois d'une manière peu efficace, puisqu'au bout d'un certain temps, les loups trouvaient en quelque sorte les moyens de déjouer tous les moyens de protection des hommes. Et on a des statistiques qui le montrent, et qui montrent qu'il faudrait encore plus de chiens de patous, qu'il y a en quelque sorte des investissements encore supplémentaires à faire pour protéger l'élevage, pour arriver à une solution raisonnable qui n'annulera de toute façon pas des prédations, parce que c'est absolument impossible. Donc on est dans une situation très difficile, encore une fois, où on fait peser sur une minorité de la population très lourdement les conséquences de la politique que nous assumons ou que nous acceptons, sans même d'ailleurs en avoir discuté. Le prélude en ut mineur de Bach par Hélène Grimaud sur France Culture à 16h27. Nous parlons du loup, de l'histoire du loup et de la difficile coexistence ou cohabitation en fonction du terme que vous choisissez, en fonction de votre opinion, puisque c'est, on l'a entendu, un sujet qui est encore débat de vive controverse. Nous en parlons entre autres puisque en début de semaine s'est conclue l'année de consultation pour le projet de plan d'action nationale sur le loup et les activités d'élevage pour la période 2018 et 2023. Nous en parlons en compagnie de Pierre Jouventin, qui est directeur de chasse et CNRS en éthologie ici à Paris, et en duplex depuis Caen avec Jean-Marc Morisseau, professeur d'histoire moderne à l'Université de Caen et président de l'Association d'histoire des sociétés rurales. Alors on l'a entendu tout à l'heure dans la déclaration de Nicolas Hulot, le plan loup 2018-2023 compte également développer l'effort de recherche autour des populations de loups gris en France. Or, étudier l'animal dans son milieu naturel s'avère assez difficile. Il faut souvent se contenter de traces. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes parti en expédition pour voir le loup que vous n'avez malheureusement pas revu. Non. En revanche, vous êtes l'homme qui a vu l'homme qui a vu le loup. Et cet homme, il s'appelle Manoël Atman. Il est président de l'association Alliance avec les loups et porte-parole de l'Observatoire du loup, qui est une association qui fonctionne en réseau à travers la France et qui recueille les témoignages de personnes qui ont vu ou entendu un ou plusieurs loups. À partir de ces données, et après les avoir vérifiés, après avoir recoupé les témoignages, l'Observatoire établit des cartes et des statistiques qui essaient de rendre compte le plus fidèlement possible de la présence du loup en France. Avec Manoël Atman, nous nous sommes retrouvés à la frontière de la Lozère et de la Haute-Loire pour observer les lieux qu'occupent ponctuellement les loups et les territoires qu'ils parcourent. Manoël nous explique comment on peut mieux comprendre les loups grâce aux diverses traces qu'ils laissent. En Lozère, on vient juste de passer le pont de Jonchère, de l'autre côté c'est la Haute-Loire. On est sur le territoire d'une meute et on va rentrer dans un bois sur les gorges de l'Allier, qui est probablement un bois qui n'a pas changé depuis des milliers d'années, et où les loups se reproduisent depuis 7 ans. Ils sont reproduits 3 fois. Et à chaque fois qu'ils se reproduisent dans ce bois, j'ai de nombreux témoins qui les voient aux alentours ou qui ont des chiens qui changent de comportement. Voilà, on va rentrer dans ce bois. Et je vais t'emmener sur une lovière et la tanière de la meute. Qu'est-ce qu'on appelle une lovière ? Alors la lovière, c'est le lieu où la louve va avoir ses louveteaux. Il faut qu'elle ait de l'eau pure à proximité. Et il faut qu'elle ait un couloir de circulation et des endroits pour cacher les louveteaux si elle est dérangée. La lovière, elle est géographiquement en dessous ou au-dessus de la tanière de la meute, en fonction d'où peut arriver le danger. Si le danger vient du plateau, la tanière de la meute va être entre le plateau sur les pentes et la lovière. Et si le danger venait de la rivière, ce serait le contraire. Et ça, on va le voir, le biotope idéal de l'installation des loups dans le cadre d'une reproduction, c'est là où je t'emmène. Okay. Voilà, tu es dans un des décors les plus beaux de la région, on est en hiver. On a ce ruisseau dont je t'ai parlé qui s'est élargi et qui va nous mener tout droit à la rivière. Ah, ce que j'appelle la cathédrale végétale, c'est ça. Des arbres qui sont très hauts et des chaos granitiques qui permettent aux loups de se cacher et aux louveteaux de s'y amuser. C'est un vrai labyrinthe de cailloux. Et la Lovière est juste en contrebas. Voilà. Alors, on arrive. Techniquement, qu'est-ce qui laisse à penser que c'est une Lovière? D'abord, il n'y a pas la gouttière du terri à blaireau. Le blaireau n'y rentre jamais. On a tout le travail de terrassement qui a été fait. Et elle est très profonde, cette Lovière. Elle fait plus d'un mètre cinquante de profondeur. À quelle fréquence est-ce qu'elle est fréquentée, cette Lovière? Est-ce que cette saison, une louve va venir mettre bas ici ou pas? Voilà. Alors, moi, la fréquence assurée où j'ai eu les preuves matérielles qui s'étaient reproduites là, c'est 3 fois en 7 ans. Alors, cet endroit-là, il est exceptionnel parce que on peut passer devant 10 fois sans la voir. On est dans une cathédrale végétale qui fait que un aigle royal ne va pas voir les premières sorties des louveteaux. Le danger peut venir que du haut, la tanière qui est au-dessus va permettre à des membres de la meute de la prévenir et elle va pouvoir déplacer ses louveteaux très rapidement dans une faille rocheuse au bord des gorges de l'Allier ou partir avec avant que l'homme et les chiens arrivent. Donc là, on va se diriger maintenant vers la tanière un peu plus haut. Donc c'est une tanière de meute. Le trou est beaucoup moins large que quand il est occupé puisqu'il est, il y a la terre qui est descendue, tu vois, qui s'est accumulée dedans. C'est un trou que j'ai mesuré quand il est ouvert, qui fait 45 cm de large sur une hauteur sur 50. C'est très gros. Là, tu as quasiment, quand c'est ouvert, deux individus qui peuvent rentrer à la fois. Et ça donne de l'autre côté où il y a une sortie, qui est quasiment aussi grosse. C'est ça, c'est assez rare. Et des trous comme ça, tu en as partout. C'est un OPHLM, je les ai comptés, il y en a 8. Je le vois très peu, loup. Je le vois très peu, je l'ai vu 3 fois. Très très bien, de près. Je l'ai filmé, je l'ai photographié. Mais c'est un animal fantomatique. C'est un animal, s'il a le vent pour lui, il va me sentir à 200 mètres. Il prend du relief. Il va m'entendre à 9 km si mon son porte. Moi, quand j'entends des loups hurler, ils ne peuvent pas être au-delà de 4,5 km. Ouais. Là, on va s'arrêter au bord de la route. Ça va vous étonner. Parce que les loups se servent des constructions humaines pour chasser. Et on va rester... Alors, là, on est au bord de la route. Au milieu, on est au bord de la route. Sur un mur, on a le rail de sécurité derrière nous. Le mur fait... Ouais, il fait à peu près 5 mètres. Les loups descendent des tanières. Ils remontent là ou de l'autre côté. Ils prennent au niveau de la rivière en contrebas toute la faune sauvage dans leur étau. Ils vont fatiguer le chevreuil, la biche, le cerf sur ses pentes. Ils vont les faire remonter et les fatiguer. Et au moment où ils sont le plus fatigués, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Un mur de 5 mètres. Et là, ils vont être tués et dévorés sur place. Et là, on va descendre pas loin d'ici. On va longer la rivière pour que tu vois l'endroit d'où ils ont démarré, qui est en contrebas, et aussi l'endroit où ils traversent la rivière pour chasser le lièvre de l'autre côté sur le plateau. On vient d'arriver au bord des gorges de l'Allier. Au bord des gorges de l'Allier, on est sur une plage de sable fin. Tu vois le banc de sable sous l'eau, là? Il est dégagé l'été, il y a moins d'eau. C'est là que j'ai trouvé à plusieurs reprises des traces de loups. En fait, ils traversent à cet endroit-là. J'ai mis longtemps à le comprendre, d'abord parce que c'est peu profond. Et donc, le loup nage très bien. Il n'a pas d'effort à fournir. Il se laisse porter par le courant et il nage légèrement pour partir en diagonale. Et la sortie, je l'ai trouvée en face. Alors, on change progressivement d'ambiance. On est parti d'un espace très clos, très fermé, une espèce de niche au milieu des arbres. Une rivière, déjà un espace un peu plus ouvert, un espace de passage. On est sur un autre espace de passage, donc on est à proximité de la route nationale. Quel rapport avec les loups là, du coup? Alors là, droit dans la direction de mon bras, vous avez un cône volcanique de Haute-Loire, avec en son sommet des pins sylvestres. Et entre ce sommet et la nationale, vous avez des pâturages. On est sur un haut plateau à 1000 mètres. Le sommet de ce volcan, il y a une tanière. C'est une tanière de rendez-vous où les loups s'installent avant la traversée. Parce que pour eux, La nationale ou une autoroute, c'est comme une guillotine. C'est-à-dire que les autos, leur vitesse, c'est quelque chose de particulièrement dangereux pour eux. Donc, ils se préparent à la traversée de la nationale, ils s'installent là le soir, et à l'aube, ils vont y passer la nuit, ils vont traverser la nationale ici même. Eh bien, à l'aube, les loups observent toute l'activité agricole et d'élevage sur ce plateau et se décident à traverser la nationale. Et on a recoupé ces informations que je viens de vous donner avec le fait que c'est l'endroit où les automobilistes qui ont témoigné pour avoir vu un loup un jour, bien c'est à cet endroit-là qu'ils sont les plus nombreux. Voilà. Voilà le parcours hivernal d'Antoine Beauchamp en compagnie de Manuel Atman sur la piste du loup. Une réaction l'un et l'autre, Pierre Jouventin, Jean-Marc Morisseau, à ce reportage, à ce que vous venez d'entendre, Pierre Jouventin. Je vous ai prendre plein de notes en fin reportage. Non, c'était tout à fait extérieur au reportage. Mais en fait, en France, il y a très peu de recherches sur le loup. En réalité, toute la 99% au moins des données sur le loup viennent de l'Amérique du Nord. C'est là qu'il y a des chercheurs qui travaillent en permanence sur le loup. Et on sait beaucoup plus de choses, d'ailleurs, depuis 50 ans, alors qu'avant, on ne savait quasiment rien. Jean-Marc Morisseau ? Bien, moi, en tant qu'historien, et on fait des recherches, et continue à faire des recherches depuis 14 ou 15 ans sur cette question-là, j'observe les grandes facultés d'intelligence et d'adaptation du loup, selon les environnements. Et là, il a un environnement qui est quand même en partie hostile, où là, l'homme domine la nature, ce qui n'a pas été tout le temps le cas. Et donc, le loup est extrêmement prudent. Et ce que nous montre Manuel Atman me paraît tout à fait intéressant dans les stratégies de colonisation ou de recolonisation du loup par rapport au territoire. Le loup prend bien en compte les réalités de l'occupation humaine, de la présence de l'homme pour pouvoir se développer. Alors remontons un peu dans cette histoire qui est passionnante, hein, l'histoire du loup. Pierre Jouventin, ce loup qui nous terrifie depuis des siècles et des siècles, c'est aussi, il faut le rappeler, l'ancêtre de notre chien, des chiens domestiques. Quelles sont les premières traces, les premières attestations de présence du loup? Est-ce qu'on sait à quel moment l'arbre phylogénétique se divise entre le chien et le loup? Mais on le sait depuis récemment, parce que même des grands biologistes comme Lorenz ou Darwin se sont trompés. Ils croyaient que le chien venait de plusieurs une hybridation, un croisement de plusieurs canidés, de plusieurs espèces de canidés. Et maintenant, par l'ADN, on est sûr que le chien vient uniquement du loup. Et ce qui est encore plus surprenant, ça c'est déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais enfin, ce qui est plus surprenant, c'est que, et qui est récent et qui est incroyable, c'est que ça paraissait évident que c'était à partir du néolithique, c'est-à-dire moins de 1000 ans, alors qu'en réalité, on en est actuellement, à certains, en tout cas c'est encore discuté, on en est à 36 000 ans. Une étude de juillet 2017 qui a été publiée dans la revue Nature estime effectivement que les chiens domestiques seraient issus d'une population de loups qui remonte entre 20 et 40 000 ans. Vous avez écrit un article que je trouve intéressant, Pierre Jouventin, récemment dans le magazine Pour la Science, où vous estimez que l'histoire de Sapiens est de facto, l'histoire de l'humanité en fait, est de facto liée à l'histoire du loup, précisément via la domestication du chien. Vous pensez que Sapiens est devenu Sapiens, entre autres parce qu'il a réussi à domestiquer le loup. Mais je pense que le rôle du... Dans la mesure où on arrive à une échelle aussi importante, parce que ça fait quand même 26 000 ans avant la première agriculture et élevage. Donc c'est tellement ancien, ça signifie que d'abord, le loup, à l'époque, avait une fonction pour les chasseurs-cueilleurs. Et évidemment, ça devait être pour aider à la chasse, parce qu'on sait, en ayant suivi les derniers chasseurs-cueilleurs, que ça multiplie par 3 le gibier. Donc c'était un impact formidable. La présence du chien. Hein. Oui, la présence du chien, parce qu'évidemment, on est de mauvais chasseurs. On occupait la même niche écologique que le loup, c'est-à-dire chasseur en bande de gros gibier, mais sans crocs, sans griffes, sans flair, sans vision nocturne, etc. Et on court deux fois moins vite qu'un loup. Donc avoir eu d'un seul coup la possibilité d'un loup, mais par contre, il y a dû avoir du danger, parce que le loup, ça mord facilement. Et donc, on a sélectionné des loups dociles et un peu infantiles, et ça, on aboutit au chien. Alors, comment se passe justement la division phylogénétique, puisque on le sait, hein, aujourd'hui, les études nous le montrent, le loup vit en meute, il ne se nourrit pas de la même façon que le chien, c'est pas du tout les mêmes rapports sociaux. Alors, il y a évidemment 20 000 ans d'évolution qui ont transformé ces rapports-là. territoire-là, mais comment on passe précisément, comment l'embranchement se fait de Canis lupus, hein, pour le loup gris, aux chiens aujourd'hui domestiques et aux différents chiens domestiques? Ben c'est facile en réalité. Tous les éleveurs sélectionnent parmi leur chaque portée les plus gros, les plus petits, les plus blancs, les plus noirs, etc. Ou les plus calmes, tout simplement. Et si vous le et un généticien russe, Belaïev, a fait ça avec le renard qui était un renard sauvage, et en 8 générations seulement, il arrive à des renards qui, au lieu de fuir l'homme ou de l'attaquer, viennent se frotter à lui, etc. Donc en réalité, c'est très facile. En réalité, un chien, c'est une sorte d'éternel adolescent, c'est-à-dire qu'il reste le toute sa loup. Vie. Voilà. Il reste toute sa vie en attente d'un chef de meute, et il devient jamais adulte, c'est l'homme qui remplace le chef de meute. On pense que les loups se sont approchés des premiers groupes, des premières micro-sociétés humaines, précisément pourquoi? Pour profiter des restes, pour profiter des restes de la chasse. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce rapprochement entre un animal sauvage et des groupes humains qui maniaient le feu, qui donc devaient faire peur aux animaux sauvages qui étaient les loups ancestraux? Oui, il y a deux thèses en réalité. Ça, c'est la première, c'est-à-dire la commensalité, disons, des loups qui se sont approchés de l'homme, qui sont venus manger sur les restes des gros animaux qu'on tuait, etc. Et qui était jusqu'à récemment la thèse la plus répandue, oui, enfin la plus acceptée. Ça paraissait plus logique. Moi, je pense, et j'en ai eu l'expérience, et actuellement c'est en train de basculer, je pense qu'en réalité, pour avoir un contact vraiment intime avec un loup, ça ne suffit pas. Il faut prendre les loups avant qu'ils ouvrent les yeux. Et ensuite, là, ils s'intègrent à la société humaine et le rapport se fait tout seul. C'est-à-dire que là, on arrive à le loup s'intègre au clan ou aux tribus des chasseurs-cueilleurs comme il s'intègre à sa meute. C'est-à-dire que vous pensez que ça aurait été de la domestication volontaire de la part de sapiens ou de néandertal, hein, puisque on est dans ces eaux-là, dans ces tranches-là? Ben certainement, ça s'est fait par hasard. Hein. C'est-à-dire que les chasseurs ont récupéré des jeunes loups, enfin des loups bateaux qui venaient de naître, et puis ils les ont amenés pour amuser les enfants ou je ne sais pas qui. Et puis, ils se sont aperçus qu'ils restaient bien, et qu'ils s'intégraient, que ça se passait très bien. Et donc, ils se sont rendus compte surtout qu'ils gardaient le campement et qu'ils les aidaient à la chasse d'une manière incroyable, qu'ils augmentaient le rapport. Donc, ça avait une valeur de survie tellement importante qu'ils ont cherché à les garder, mais comme il y avait sans doute beaucoup d'accidents, parce que dès qu'il devient adulte, le loup devient particulièrement agressif, enfin il faut faire attention, s'il y a un moindre problème, il est tellement dangereux qu'on risque de se faire broyer une main en rien du tout, en rien de temps. Donc ils ont poussé la sélection sur le chien et ils ont créé le chien, qui est maintenant toujours, mais qui est maintenant bien plus nombreux et de loin que le loup. Jean-Marc Morisseau, vous avez une opinion sur cette divergence ou sur ces deux options hypothétiques de séparation phylogénétique entre le chien et le loup? Je pense que la deuxième me paraît raisonnable à penser, en tout cas. Il faut celle de Pierre Jouventin, c'est-à-dire celle de l'élevage, oui, vraiment, oui, de la sélection, oui, de, la, oui, oui. De volonté humaine. Effectivement. Mmh. Alors, je me retourne vers vous, Jean-Marc Morisseau. Parlons un peu aussi de l'histoire du loup en Europe et des différentes étapes de cette histoire. Le loup avait colonisé toute l'Europe. Comment est né, pourquoi est née cette peur du loup? Parce que on l'a vu, le loup est un animal sauvage, un loup, un animal plutôt craintif, c'est-à-dire que encore une fois, il s'attaque peu à l'homme. Et il y a une étude assez intéressante, hein, qui montre que entre le 16e siècle jusqu'au début du 20e siècle, on aurait enregistré, il faut prendre tout ça avec beaucoup de pincettes, 1100 cas de prédation de l'homme par le loup. Comment est-ce que le loup s'est-il mis à attaquer l'homme, Jean-Marc Morisseau? Je pense, en ce qui concerne le nombre de prédations, ça fait partie de l'enquête en quelque sorte collective que j'essaie d'animer depuis 15 ans, qui donne lieu à un site internet Hommes et loups 2000 ans d'histoire, consultable par tous vos auditeurs. Et dont on va mettre le lien immédiatement sur notre fil Twitter. Voilà, au début on était à 3000 attaques, effectivement, on est à peu près à 10 000 attaques, 10 000. Mais ces 10 000 attaques, en quelque sorte, elles sont disséminées entre le 16e siècle et puis la fin du 19e, En fait, 85% d'entre elles ont lieu entre 1580 et 1830, donc sur 2 siècles et demi. Mais pour répondre à votre question, pourquoi la peur du loup, en quelque sorte? Bon, la peur, elle est liée d'une part aux menaces structurelles que le loup a infligées à l'homme dans ses activités d'élevage. Hein. Au-delà des attaques sur le gibier, qui touchaient d'ailleurs les chasseurs et notamment l'aristocratie, en attaquant les moutons, mais également, c'est très important, ce qu'on appelle les bêtes à cornes, les vaches et les veaux, et ce qu'on appelle les bêtes chevalines, les chevaux et les mulets. Les loups, évidemment, infligeaient des pertes sévères à l'agriculture, mais extrêmement inégales, hein, d'une région à une autre, d'une exploitation à une autre, comme aujourd'hui. Et dans une économie très fragile, où les rendements et où les bénéfices étaient très faibles, il est évident que cette pression était vraiment terrifiante. Et puis, en dehors de ces prédations sur les animaux d'élevage, que l'on voit partout, à toutes les époques, et qui ont justifié les premières primes de destruction du loup, puisque c'est en Grèce antique qu'on a établi des primes pour abattre des loups et les chasser, parce qu'ils pesaient trop sur l'élevage, il y a eu aussi des attaques sur l'homme. Et là, ces attaques sur l'homme, on en a à l'époque antique. Quelles sont les premières, Jean-Marc Morisseau, qui soient attestées? Les premières, c'est à partir des agronomes latins ou à partir des chroniqueurs latins et des traités grecs que l'on a, de l'épigraphie gréco-latine également, qui indique la présence de victimes humaines de loups, hein, peu avant Jésus-Christ ou un peu après. Mais il faut bien reconnaître que c'est à partir du moment où les États et l'administration se développent, que l'on a à l'occasion notamment des primes, des loups, beaucoup de renseignements. Donc, je dirais, à partir du XVe siècle et du XVIe siècle, là, on a une masse d'archives considérable et on peut voir, année par année, la pression du loup, hein, sur l'homme. Alors, il y a deux catégories, quand même, d'attaques qu'il faut absolument distinguer, sinon on confond tout. Les loups enragés, effectivement, qui attaquaient l'homme pendant une courte période, à la fin de l'incubation de la rage, et qui étaient terrifiants puisqu'ils décharnaient les corps, et ils se jetaient en général au visage de tous les êtres vivants qu'ils rencontraient, entraînant des blessures atroces, mais ils ne pouvaient pas dévorer vraiment, ils avaient une paralysie du pharynx. Si bien qu'après des blessures terribles, les hommes connaissaient souvent la rage 15 jours ou 3 semaines après, et mourait dans des conditions effrayantes sur lesquelles il ne faudrait pas jeter une chape de plomb. Il faudrait voir ce que c'est que la rage, puisque la rage du loup, elle existe encore, et on en a au XXe siècle, au début du XXIe siècle, quelques rares cas. Et puis, il y a aussi les loups prédateurs qui attaquaient les êtres les plus faibles, en général des individus disperseurs, des loups isolés, pas toujours, mais souvent, qu'attaquaient le plus souvent des enfants de 6 à 15 ans, qui étaient des auxiliaires de l'agriculture, travaillant dans les pâturages, à garder non pas des moutons, mais des bêtes à cornes, c'est-à-dire des bœufs et des vaches, aux portes des forêts. Alors là, entre le mois de mai et le mois de juillet, quand on ne pouvait pas chasser le loup, parce que c'était impossible à cause des récoltes, c'est là que ces attaques étaient importantes. Et puis, au-delà de ces attaques récurrentes, il y en avait toutes les années, il y avait des dizaines, voire des centaines de victimes, hein, chaque année, il y avait des attaques qu'on appelait de bêtes, c'est-à-dire de loups qui s'en prenaient, non pas à quelques enfants, mais à des dizaines ou des centaines d'enfants. Et cela, évidemment, terrorisait toute une région pendant plusieurs mois. Fameuse bête du Gévaudan, évidemment. Oui. Mmh. Et bien, des bêtes du Gévaudan, il y en a eu 150 en France, entre le XIVe siècle et puis le XIXe siècle. On ne connaît que la bête du Gévaudan, mais encore aujourd'hui, des documents me sont arrivés de la région de Sarlat, en Périgord, me montrant qu'il y avait une terreur panique parce qu'il y avait eu 5 à 6 enfants et une femme dévorée par des loups et autant de blessés en 1729. Une zone, j'en avais qu'une mention dans le site internet que j'ai créé. Et là, tout d'un coup, il y en a 5 ou 6 qui apparaissent à travers la correspondance de l'intendant avec le contrôleur général des finances. Donc, il faut bien voir qu'on a des documents extrêmement importants. On dispose à peu près de 150 000 documents référencés dans notre base pour 70 départements français. Et ce que l'on a en France, on l'a également en Italie et en Espagne, si on veut bien s'en donner la peine. Et ces fameuses bêtes, d'ailleurs, comme la bête du Gévaudan, dont on n'est pas totalement sûr de la nature exacte, Pierre Jouventin, parce qu'il peut s'agir évidemment de loups isolés, rarement de loups enragés, comme vient de le dire Jean-Marc Morisseau, mais parfois d'hybrides, parce que on oublie de le dire, mais à de rares occasions, les loups peuvent s'hybrider avec des chiens errants, et ces animaux qui naissent de l'hybridation du loup et du chien sont souvent des animaux, effectivement, assez agressif, avec des traits qui ne sont pas ni ceux du chien, ni ceux du loup. Oui, alors pour la bête du Gévaudan, d'une part, il y a plusieurs livres qui sont sortis actuellement disant que ce n'était pas des loups en réalité, mais que c'était des hommes qui ont utilisé l'argument pour ça, c'est violer. Une légende, il faudrait refaire une émission complète. Voilà, c'est le problème de l'historien, on est en plein dessus avec M. Morisseau, là. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il y a 3000 attaques, c'est pas 3000 attaques, c'est 3000 récits d'attaques. Et donc, le gars qui se suicide ou qui est sous et qui se fait dévorer par les loups ensuite, c'est pas exactement la même chose qu'une attaque sur un homme vivant qui le protège. Bien sûr, alors on ne prétend pas faire la vérité aujourd'hui dans cette émission sur la bête du Gévaudan, mais un mot tout de même sur cette question de l'hybridation aujourd'hui entre les chiens et les loups qui est encore possible. Hein. Alors là, il faut voir aussi tout ce qui est dit. Hein. Je pense qu'il faut un peu calmer le jeu, c'est-à-dire qu'à la fin, le problème du loup, c'est que ça fait tellement appel à l'imaginaire. Vous vous rendez compte, il n'y avait plus de loup. Et on avait encore des tas de lieux, des tas de noms, des tas d'histoires qui ne connaissent pas le chaperon rouge. Donc en réalité, il y a un imaginaire gigantesque sur le loup, parce que c'est un animal, à mon avis, qui est tellement proche de l'homme par beaucoup de liens, que c'est impressionnant, c'est normal. Et on a des imaginaires opposés. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe, on ne connaissait pas le loup très mal, on n'a jamais étudié réellement Buffon, quand on voit ce qu'il a écrit, c'est effrayant. Eh bien, en Europe, on considérait que le loup, c'est absolument, il faut l'éliminer, etc. Et je pense que le professeur Morisseau, qui est un ancien spécialiste de la ruralité, a tendance à entrer dans cette vision des choses. Mais par contre, par exemple, dans l'Amérique du Nord, en particulier dans les zones nordiques les plus hautes latitudes, et puis chez les Mongols, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'ils connaissaient, eux, par contre, très bien le loup, puisqu'ils l'observaient, il n'y avait pas de végétation pour les empêcher d'observer, et ils étaient tellement stupéfaits par la finesse du loup et ses capacités d'adaptation, qui copiaient dans leur méthode de guerre ou de chasse le loup. Donc vous avez deux extrêmes, c'est-à-dire soit c'est le diable en Europe, soit c'est le dieu. C'est intéressant, Jean-Marc Morisseau, effectivement, cet européocentrisme de la peur du loup qu'on retrouve comme des divinités tutélaires ou totémiques dans d'autres types de civilisations. Moi, je vous propose d'expulser 350 à 400 millions d'Européens pour retrouver à peu près en Europe les conditions qu'on peut trouver dans les espaces très périphériques d'Amérique du Nord ou d'Asie qu'on a évoqués. C'est-à-dire, en quelque sorte, abolir 2 à 3 000 ans d'histoire. Le problème, on fait avec. On n'a pas envie de déplacer 350 à 400 millions d'hommes. Et donc, on a des territoires qui sont occupés par l'homme, par l'agriculture, par l'élevage, très densément peuplés, depuis au moins le Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'il y a une confrontation très forte. Je réagis en tant qu'historien à la critique qui est faite aux historiens sans avoir d'arguments scientifiques sur la question des attaques et des sources de l'historien quand il regarde les attaques de loups sur l'homme. Bien entendu, les attaques de nécrophagie, je les ai mises à part et elles font partie de corpus qui n'interviennent pas dans les attaques vraiment de loups enragés d'un côté et de loups prédateurs d'un autre côté. Quant aux témoignages dont on dispose, évidemment l'historien les croise, il a des témoignages qui sont liés à des actes de décès, à des actes de chasse, à des témoignages médicaux, à beaucoup de correspondances administratives également, qu'il doit décrypter pour vérifier. Alors bien entendu, en histoire, la vérité a toujours 4 ou 5% d'erreurs. Ce n'est pas une vérité exacte comme les mathématiques. Il faut toujours être très prudent. Mais quand l'historien a 90 ou 95% est à peu près sûr de ce qu'il voit, il peut ainsi donner des traces véritables, en quelque sorte, des rapports entre l'homme et le loup dont on ferait bien de s'inspirer. Quant à la bête du Gévaudan, enfin, ce ne sont que des racontars de croire que ce sont des hommes qui sont derrière. La seule question scientifique qui se pose est de savoir si les quelques loups qui effectivement ont été en cause dans le cas de la bête du Gévaudan, comme ils l'ont été dans d'autres bêtes, dans d'autres cas d'attaques comparables, si c'était des loups en quelque sorte hybrides effectivement ou pas. Bon, là, c'est une question subalterne. En tout cas, s'il n'y avait pas une présence de loups aussi importante en France, la question des hybrides ne serait jamais posée. Et pour les victimes, c'était la même chose. Ils étaient dévorés par des canidés sauvages qui avaient à peu près l'apparence des loups. Et pour eux, les résultats étaient les mêmes. Et la peur du loup pouvait évidemment se développer à cette époque-là. Et de génération en génération, tant qu'il y a eu des loups. À partir du moment où les loups ont été éradiqués, ce que l'homme voulait depuis 2000 ans, il est évident que l'image du loup qui est venue, c'est celle du loup d'outre-Atlantique, d'Amérique du Nord, d'espace où les confrontations avec l'homme sont très faibles et où le loup était le prototype du sauvage, l'emblème de la biodiversité et la projection de nos fantasmes à l'égard de la nature. On en est arrivé là depuis 30 ou 40 ans quand on a assuré une protection absolue du loup en inversant complètement son statut juridique. Ça a été pendant des millénaires l'animal le plus persécuté, un animal plus que chassable. Il est devenu un animal strictement protégé. Faute d'avoir voulu arrêter le balancier au milieu avec des compromis, on l'a entièrement inversé et on est dans les problèmes d'aujourd'hui de coexistence effectivement très difficile entre le loup et les sociétés humaines. De coexistence difficile, mais de débat passionnant entre le point de vue de l'éthologue et le point de vue de l'historien. Un débat que nous aurons certainement à nouveau. On aura l'occasion de reparler du loup, de l'éthologie, de la phylogénétique du loup, de l'écosystème. Bref, merci beaucoup à tous les deux. Mais il est déjà 16h55 et comme tous les jeudis, on retrouve la bibliothèque des sciences, les grands ouvrages scientifiques qui ont marqué l'histoire de la science. Aujourd'hui, Ami Dahan nous parle de l'essai philosophique sur les probabilités de Pierre-Simon Laplace. La Bibliothèque des sciences. Il s'agit du livre de Pierre-Simon Laplace, L'essai philosophique sur les probabilités, qui est paru en 1814, mais qui de fait est le développement d'une leçon que Laplace avait donnée en 1795 aux élèves des écoles normales de l'an 3. L'école normale de l'an 3 avait été appelée par la Convention à cette époque, et c'est donc vraiment le développement d'une leçon pédagogique. Et cet essai développe, disons, mais sans le secours de la technique, de l'analyse, les principes de ce qui sera plus tard la théorie analytique des probabilités de Laplace. Et ce qui fait son immense célébrité, c'est cette description qui a été un peu jugée comme grandiose du déterminisme universel, qu'on appelle maintenant le déterminisme laplacien, qui se trouve dès les premières pages de cet essai. Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Cet énoncé très fort du déterminisme de Laplace, un certain nombre de gens ont voulu y voir l'affirmation d'un monde immuablement réglé et étouffant, enfin un vrai cauchemar déterministe, si vous voulez, où tout est prévu, tout est ordonné, etc. Évidemment, ça, c'est un débat qui a eu lieu dans les années 1970-80. Je crois que, en fait, c'est tout simplement dans le cadre d'une métaphysique matérialiste qui était très courante à la fin du XVIIIe siècle et qu'ont partagé des gens comme Condorcet ou bien d'autres, que Laplace croit simplement à la possibilité de détermination des lois mathématiques de l'univers et qu'il affirme qu'une intelligence supérieure, qui est théorique, aux possibilités cognitives infinies, pourrait calculer les effets de ces lois. Mais il reconnaît simultanément que l'homme restera infiniment éloigné de cette intelligence-là. Et donc, il affirme la finitude de la connaissance humaine, de l'entendement humain, plus que la connaissance humaine. Et ce principe est crucial dans la théorie de la connaissance. Donc, pour lui, si vous voulez, c'est parce que, justement, il y a cette finitude de l'entendement humain que l'on va fonder la théorie des probabilités, qui est la science des hasards et des probabilités. En 1774, c'est-à-dire 20 ans avant, il avait déjà écrit un mémoire sur la probabilité des causes par les événements, qui sera plus tard le point de départ de ce qu'on appellera la statistique bayésienne. Et c'est quand même un moment au cours duquel Laplace a eu une vraie révélation pour la question des probabilités et a décidé d'en développer l'étude. Et d'une certaine façon, c'est ce qui est ce qui court dans toute son œuvre. Donc dans ce livre, il va parcourir de nombreux chapitres, que ce soit de la théorie des jeux, de les dés, les erreurs, le jugement, la probabilité des jugements, etc. Tous ces chapitres de ce qui deviendra le corpus général sont évoqués par Laplace, donc sans technique, ce qui ne rend pas forcément le livre très facile. Mais en même temps, il y a cet effort-là, et je crois que c'est ça qui fait l'importance de l'essai philosophique. Voilà la Bibliothèque des sciences d'Amidaon. Merci à nos deux invités, Pierre Jouventin, Jean-Marc Morisseau. Merci aux camarades de France Bleu Normandie à Caen pour le duplex. Un mot très rapide pour vous dire que demain, nous rendrons hommage à un immense nom de la science-fiction disparu la semaine dernière, longtemps pressenti pour le Nobel de littérature, maintes fois récompensé, Ursula Le Guin, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.